moi je rappe. Putain, fit de spire en maison et on voile. Je les préfère propres comme quand elles sortent de la banque. Un fait tourner, putain de merde, un chien manque. Parle-moi que de sexe et d'argent. Je passe mon temps à tarot et engraisser les pigeons pour 100 euros. Je pose dans un rap intégral, original, criminel dans le mental. Hardcore, rappeur juvénile. Partons tourner en rond comme un vinyle. Pour du cash, ton sac, j'arrache la rime cache. Rien que je crache et je crache. A chaque fois c'est l'overdose. Quand je suis là, il se passe quelque chose. Le shit dans les chaussettes, le diable en cassette. Avec une putain de capuche sur la tête. Je connais le chemin qui mène au star. Pour 100 euros, je te braque, bâtard. Mais ouais, je suis un chien là, hein. Faut que tu me rendes mon joueur. Putain, ça fait 10 piges que j'attends. Et toi, ma quoi, tu feras quoi pour 100 euros? Mais putain de 100 euros, là je m'étouille. Je te circoncis la vie en même temps que t'es cool. Mouille pas vite tes poches que je nourrisse mes fouilles. Allonge ta fouf, putain rien, on lui ramène la gorge avec nos beats. Apprends un équipe, puis grave la scène sur nos sites. Brise le mythe, mon compte en banque est mort en fit. A chaque saumon avec ma banque, régale mon d'or. Je tire la charrette dehors ou quand on m'arrête au star. C'est dans ton trou de balle que je coffre mes bails. Règle tes dettes, le cerveau séquestré par les euros. Mes tapins, c'est les gros billets accompagnés de zéro. Braque ton auto et clappe ta gueule à coups de cri. Fils de pute, au bled, nous raquette notre peu de fric. Leur fout une brique dans la gorge, du ciment dans l'œsophage. Rends mes pages en euros ou je fais un carnage. C'est genre carambolage entre ta gueule et le trottoir. Je te fais asseoir sur une bouteille, acquisitionne tes tiroirs. Hein? Fils de pute, maintenant tu vas me les rendre, mes putains de 100 euros, hein, négro? Hein? Va te ramener la gorge de ta fouffe avec nos pites, enfoiré. Hé, Pégase, tu dis quoi? Ici, pour un billet de sang, ta vie, tu peux rebâtir sans. Les temps sont durs, en plus, il faut les mandats pour les frères derrière les murs, négro. Chez moi, un euro, c'est un euro, si tu me le dois, tu me le rends. Pour un billet de sang, je te mets la gueule en sang. C'est ghetto chacal, des gars qui parlent. Travaille au corps jusqu'à ce que tu sois d'accord. Laisse pas ta caisse devant ma tête. On casse le vide, pédale, bosse. Pour un billet de sang, tu repars sans son fiston. Je connais plein de mecs chelous qui seraient prêts à faire le mauvais garçon. Pour un billet de sang, le bitume, le bloc et ses crimes. Les négros foudroyés par le bifton. La street qui une putain de jungle. Le macaque devient dingue. Pour un billet de sang, ça sort les flingues. Ça schlingue la racaille, les schlags et les docks. Pour un billet de sang, les mecs défoncent et chopent leur drogue. Pégase, le Black Arab, 3-2-2 Bronx, Noco. J'suis trop en chien, putain, Fiello, passe-moi ton gun, ça va chier, putain de merde. À deux scènes près, j'te coupe de très près. Une autre raie pour ton trou de balle, un petit coup de crêpe, ton pouce s'emballe. Donne mes 100 balles ou bien remballe. Façon Albal, gars, j'm'en taffe si tu te sens mal. Ravale le sperme, paye à terme, c'est qu'il pimpe. Je gouverne, tu te prosternes, c'est qu'il pimpe. Marre des imitations fauchées. C'est ta patine, pourquoi tu nous parles de cocher? Couché, bâtard, attends que je termine. Dès qu'une termine, faut qu'on te lamine, qu'on t'élimine. Tu vas tapiner, vénère. Tu connais pas manque, c'est pas grave, car on y connaît ta mère. Wesh, toi tu blagues avec poison, toi? C'est pas qui y a derrière, hein? Que pas, c'est que... Trop besoin d'oseille, mais barre de trois seuls. Y'a pas de taf, alors on braque la cave et les vrais le savent. Pour un putain de pied sol, gros, j'arrache tes couilles. Deux fois poil négro, hein, tu peux pas tester ton douille. Si l'argent te manque, va faire un tour à la banque. Armé jusqu'au temps, mon gars, y'est blindé comme un tank. Ça, une vie de suicidaire, viens pas chez nous avec ton bling bling. Ferme ta gueule, va commenter, on sent le gueule. Pauvre depuis l'esclavage, ça fait des siècles qu'on s'est fouetté la rage. Voilà pourquoi tout est noir dans mon paysage. Le break me rend pas sage, au passage, arrache ton sac. C'est la vie d'un plat qui veut ça, mon gars. On veut pas se lever à 6h du matin. Allez chercher ton pain, 600 euros par mois. Pour moi, tout ça, je fuck. On est pisté par les keufs, on marche comme des phoques. C'est comme en sens des gros, on pète les sœurs qui sert. C'est l'armageddon qui débarque, le poison qui te brûle les nerfs. Le pégase qui t'arrache les ailes, yellow qui t'égorge. Ouais. Le meurdeur qui t'encule, négro. Tu peux pas test, on a tous besoin de gens à ici, tu sais. Ah, ok, j'appelle toutes les banlieues de France là. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, 7-8, 7-5. On cherche tous le genre, motherfucker.